Europe Connection. Europe Connection. De Alexandra Badea. 8h30, t'arrives au bureau du quartier européen. Merci. Tu ouvres ton ordinateur, tu te connectes à la boîte mail de ta députée et tu fais le tri. Alors, tu supprimes systématiquement tout ce qui contient dans l'objet les mots protestation, contestation, controverse, alarme, tous les autres synonymes. D'accord. 9h, le défilé des lobbyistes commence. Mmh. Alors tu les reçois, tu les observes, tu les écoutes. Ils vont te filer en souriant la documentation nécessaire pour contrer le projet de loi sur l'étiquetage alimentaire. Mmh. Tu es assistant parlementaire depuis 2 ans. Il t'en reste un et tu passes ensuite dans l'autre camp. T'as toujours rêvé de devenir lobbyiste. Tu étudies à l'ENA et tu rêvais déjà. T'as pris le chemin classique, stage au Parlement, stage à la Commission, assistant parlementaire, Commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire. Ça oui, cartonne. C'est un des plus gros lobbies du marché et c'est là que tu voudrais rentrer. T'as déjà commencé à négocier ton changement de statut. Si vous arrivez à bloquer la loi, tu commences dans 1 an à un salaire 10 fois supérieur à tes revenus actuels. Ta femme est très contente. Tu joues le jackpot. Alors 10h30, ta députée arrive. Elle est avec sa fille, forcément les enseignants étant encore en grève, impossible de trouver une babysitter, donc... Tu mets la gamine devant un jeu vidéo, tu tends à sa mère une pile de prospectus qui explique pourquoi vous ne devez absolument pas passer cette loi. Mmh, très bien. Peut-être que ça peut être intéressant pour vous qu'on aille au café du Parlement, là, voir un petit peu comment ça se passe avec les autres parlementaires. Et je pense que ça peut être intéressant. Oui, très bien, café, bonne ça idée. Vous dit. Ben, je vous suis, oui, pas de problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Un lobbyiste ne reste pas enfermé dans son bureau. 11h, pause café avec les autres assistants au bar du Parlement. Alors là, tu peux faire ton lobby dissimulé parmi tes compagnons. L'assistante norvégienne d'un député écologiste s'énerve un peu contre toi en te rappelant les chiffres. 1 Européen sur 3 est obèse ou en surpoids. Très vite, vous vous divisez en 2 camps. Toi, tu prêches les résultats d'une étude scientifique bidon qui dit que les consommateurs perçoivent correctement les étiquettes actuelles, mais tu sais très bien qu'elle a été financée par les industriels. Non, mais pourquoi porter à la confusion ? Le consommateur est déjà paumé dans l'offre accablante de produits et il va avoir mal à la tête quand il verra d'autres étiquettes sur les emballages de sa nourriture préférée. Tu sais parler. Tu parles bien. Tu prends les mots des autres, mais tu te les appropries parfaitement. Qui pourrait douter de toi ? Il est 11h30, tu te remets à bosser sur les amendements. Texte proposé par la commission. Il convient pour les mentions obligatoires de tenir compte de l'intérêt manifesté par la majorité des consommateurs à l'égard de l'indication de certaines informations. Amendement. Afin d'éviter des déchets d'emballage inutiles, l'étiquetage obligatoire des denrées alimentaires devrait se limiter à des informations de base qui présentent un grand intérêt pour la majorité des consommateurs. Justification. Ça sert à rien de surcharger l'emballage d'informations. Ça pourrait conduire à une consommation complètement inutile de carton. Texte proposé par la Commission. Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires vont inclure les incidences sur la santé, y compris les risques et conséquences liés à une consommation néfaste et dangereuse de la denrée. Amendement, supprimé. Justification ? Qu'on se comprenne, l'objectif du règlement, c'est pas de protéger la santé des consommateurs par des avertissements. L'objectif, c'est de leur permettre de faire un choix éclairé pour s'assurer une alimentation équilibrée et une meilleure santé. Là, t'as fait fort. Plus fort que les arguments des lobbyistes. On va déjeuner ? Oui, avec plaisir. 13h, pause déjeuner. T'as député un rendez-vous extérieur, alors c'est pour ça que tu prends sa gamine et que tu l'emmènes à la cantine du Parlement. Ah. Bienvenue. Merci. Vous mangez des pâtes et tu te demandes combien de saloperies il y a là-dedans. La gamine avale ensuite un moelleux au chocolat et toi, ça te donne la nausée. Tu vois que des composants chimiques défiler sous tes yeux. Ta vue est devenue une étiquette alimentaire géante. Alors à des moments comme ça, t'es convaincu de l'utilité de ton job. Il faudra préserver un peu l'être humain. Ça va, pourquoi ? Pourquoi lui faire peur à l'être humain? Laissez-le bouffer un peu tranquille, sinon on va tous devenir une meute d'anorexiques. Tu te dis tout ça et tu te fais du bien. 13h30, retour au bureau. Donc là, t'envoies le rapport, celui que t'as fait ce matin. Tu l'envoies au service traduction qui va ensuite le transposer dans toutes les langues. Dans combien de langues? Il y a 20 langues pour l'Union européenne. D'accord. Ouais. Envoyé. Donc 14h réunion avec ta députée. Tu vas lui exposer les arguments, tu vas la briefer, tu vas la coacher. Ce qui est important de savoir, c'est que vraiment vous travaillez en bonne intelligence, vous travaillez en confiance, et surtout, vous travaillez pour le bien-être du citoyen européen. Ça, c'est la clé. D'accord. Europe Connexion, de Alexandra Badea, enregistrée dans le cadre des chantiers nomades, avec Claire-Hélène Cahen et Xavier Machaud. Création sonore, Étienne Noiseau. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Jean-Michel Coqui et Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Chloé Mauduit. Réalisation, Alexandra Badea et Alexandre Planck. Remerciements à Céline Geoffroy et à toute l'équipe des Chantiers Nomades.